on revient sur le dossier du hockey mineur. C'est l'interdiction de la mise en échec pour les catégories Midget 2B et Bantam 2C qui a été donnée par Hockey Québec. On en parle avec... il a donné sa version des faits ce matin dans le journal Le Quotidien, mais je vois quand même lui poser la question. C'est le président de la Ligue JMS Midget Régional et Junior Régional, Marcel Matin. Salut Marcel! Salut Denis, ça va bien? On s'est pas parlé, Marcel. Là, dis-moi... tes commentaires là-dessus, ça n'a pas fait ton bonheur sûrement, hein? Ben non, ça, c'est pas un que ça fait pas mon bonheur à moi. On a eu un gala de la semaine passée annuelle, puis j'en ai parlé juste quelques mois à la réunion, toutes les jeunes sont tous mis à applaudir, parce que ça ne fait pas la fête des jeunes du tout. Même plusieurs jeunes, il fallait que ça arrive à être joué. Fait qu'on peut pas laisser faire ça. En plus, nous autres, on a une ligue budget qui est assez bien structurée. Le Bantam aussi, dans notre région, il y a une ligue bien structurée. Au niveau junior, on est la plus vieille ligue au Québec après la Ligue nationale, notre ligue de hockey junior, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis s'il faut qu'on parle de ça, ben, on pense que nos joueurs qui n'ont pas joué Milan-Ufrec, Bantam, midget, quand ils vont arriver au junior à 18 ans, jouer contre des 21 ans avec la Milan-Ufrec, le monde va arrêter, ça nous couragerait tout le monde. Fait que moi, suite à ce que c'est que les équipes nous ont appelé, très, très inquiets, fait qu'on a pris, on a rencontré la fédération hier soir, la région, avec son président Alain Renier, on a eu une bonne rencontre. Ça va se décider à la réunion lundi des présidents. Okay. On va faire certains contacts, en tout cas, on veut vraiment, parce que ce serait très néfaste de notre hockey. Et sûr qu'on fait Québec à Montréal, dans un grand centre, Montréal-Québec, pas la même situation que nous autres dans les régions. Non, c'est sûr. L'Abitibi, la Côte-Nord, la Rive-Sud, nous autres, la Beauce, on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux. Fait qu'on peut pas se faire. On va aller jusqu'au bout, on leur fera absolument rien. Mais qu'est-ce que t'as... La solution préconisée, c'est que toute la Ligue Midget 2B virera en Midget 2A, c'est ça? Ouais, là, au lieu de se classer Midget 2B, on la qualifierait 2A. L'handicap que ça nous met, c'est sûr que quand on va aller dans les tournois, on est obligé d'aller dans la catégorie 2A. Quand on va aller au championnat provincial, on va aller dans la catégorie 2A. Mmh. Mais est-ce qu'on va faire jouer des runs pour 2-3 tournois par année, puis une équipe pour une fin de semaine au championnat provincial? Fait que, comme les équipes mentionnent, on est mieux de penser dans la saison que ça amuse les runs, toute la balance de la saison, que de penser à deux, trois fins de semaine, trois, quatre. Mais est-ce qu'il y a un calibre intéressant? Je sais que Saint-Félicien, il y a 2 ans, 3 ans, était dans des tournois de haut, puis ils ont même gagné un tournoi. Mais est-ce que, dans l'ensemble, il y a assez de talent dans la région pour que les équipes tirent leur épingle du jeu dans les tournois? Bon, alors, si tu veux m'en parler, prendre quelques instants, je vais donner le renseignement. L'année passée, on a l'équipe Saint-Félicien qui s'est inscrite dans le 2A allemand, qui a gagné le tournoi allemand. L'équipe Saint-Félicien est en première position dans notre ligue. Disons, cette année, ils sont allés au tournoi de Monville dans le 2A, ils sont rendus en finale au tournoi 2A dans Monville. Maintenant, en titre de d'autres renseignements, l'année passée, il n'y avait plus de place pour inscrire nos équipes 2B. Puis Jonquière n'était pas inscrit. Ils sont inscrits dans le 2A. Nous autres, on lui déconseillait en trouvant que ça n'avait pas de bon sens. Finalement, on a suivi l'équipe. Il y avait une équipe qui avait un peu de difficulté, les Marquis Midget, l'année passée. Ils ont gagné 4 games dans la saison. Puis ils ont gagné une au tournoi pour la saison. Ça fait qu'ils n'ont pas été dépaysés. Puis cette année, on était très surpris. Parce qu'on a l'équipe de Chicoutimi, qui était dans la deuxième partie de la Ligue, 6-7e position. Eux autres ont décidé de s'inscrire dans le 2A pour avoir plus de compétition. Je vais vous avouer, franchement, c'est une de nos équipes qui est allée le plus loin dans le tournoi allemand. Oui. Ça veut dire qu'on a du 2B bien organisé et des équipes bien structurées. On a du 2B très fort, qui devient un bon moyen dans le 2A. Pour gagner à l'occasion quand c'est le tour. Mais pas juste ça non plus. Là, il arrive quoi? Là? Exemple, les Castors de Dolbeau. Les Castors de Dolbeau, est-ce qu'on pourrait avoir une équipe 2A regroupant Saint-Félicien, Dolbeau avec les Castors et Robertval? Ben, ce qui arrive quand on vient à restructurer, ouais, ça fait trop de voyageurs. Ça fait trop de voyageurs pour les jeunes. On a déjà eu du midget 2A, il y a eu de la misère, il a tombé. Tu sais, il faut pas. Tu sais, le jeune de Robertval, quand tu dis Robertval, il faut que tu parles de Saint-François. Ça fait partie de Robertval. Tu parles de Lac-Bouffet, ça fait partie de Robertval. Je parle de Saint-Tenstein qui fait partie de Dolbeau. Fait qu'imagine-toi de partir de ce que vous faites pour aller rouer à Dolbeau, là. Pratiquer deux fois par semaine, c'est un peu au-delà du réel, là. Les jeunes, au niveau du midget, ils commencent à s'amuser. Faut qu'ils s'amusent avec le chum, là. Fait que je pense que, tu sais, ça serait pas idéal de regrouper comme ça. On est mieux de rester nos équipes, on a un assez bon circuit, il y a vous le mentionner. On gagne à nos tours. On a déjà vu ça un peu dissemblable. À un moment donné, là, peut-être 6-7 ans, avant qu'on soit seulement le 2B, on avait le 2B et le 2C dans notre ligue. Ouais. OK? Bien structuré. On avait à Dolbeau, à partir de l'information, on avait une équipe 2B à Dolbeau, une équipe 2C. Puis Dolbeau, il disait, là, on n'est pas capable de deux équipes. Mais finalement, quand c'est venu le temps d'aller au championnat provincial, c'est l'équipe de Mistassini dans le 2C, puis l'équipe de Dolbeau dans le 2B qui est allée au championnat provincial. Mais Marcel, une affaire, par exemple. L'équipe de les Castors 2B cette année, c'était du 2B, là. On a fait une équipe avec 30 joueurs. Je vois pas une équipe. Puis ça a été laborieux toute l'année, là. Puis ce qui s'en vient, c'est le Bantam. Puis le Bantam, ça a été aussi pire. Je vois pas une équipe 2A à Dolbeau-Missassini, là. Pas du tout. Moi, ce que je vois, là, c'est que Dolbeau joue avec Saint-Félicien. Les meilleures heures, puis tant qu'à ça, c'est le même que je vois ça. Moi, je vais te mentionner ça, là, pour faire attention, tu vois, ouais. Là. Parce que, gars, je suis pas comme là. On a 23 joueurs pour faire une équipe. 2B, pas 2A. Oui, 2B. Ils ont 23 joueurs pour faire une équipe avec ça. Après, c'est gagner le jeu. Ça, c'est des pics, des fois, de l'équipe est plus forte. D'autres fois, elle vient moins forte. C'est pour ça que je t'ai mentionné tantôt, je sais pas si tu te souviens, quand Dolbeau venait la, faisait la pluie, puis le beau temps, il collait les prises, puis là. Il y avait deux équipes, une 2B bien forte, une... Ça, c'est cyclique. Encore, on a eu un temps qui, jusqu'à temps, ils s'interrogeaient qu'ils allaient continuer dans le hockey. Maintenant, ils sont dans le haut du cycle, puis ils font la pluie, puis le beau temps. Ouais. C'est cyclique, ça. Ça veut dire que si tu regardes aussi les Saint-Félicien, ils n'ont pas fait autant d'éclairs pour faire une équipe, là. Puis ils ont une assez bonne équipe. Fait que là, les chiffres, là, pour faire attention à ça, là, tu sais, ça devrait être un peu notre cul. Mais moi, je te dis, si vous allez avec ça, il faut vrai. Tu sais, je sais pas, Dolbeau, Missassini dans le 2A cette année, quelqu'un qui s'était très difficile dans le 2B. En tout cas, j'ai des réserves. Mais Marcel, je veux te parler aussi des. Là, on a parlé des Castors. On a parlé de Saint-Félicien Robertval. Je veux parler des ambassadeurs de Chibougamau. Les ambassadeurs, ils arrivent quoi à partir de d'aujourd'hui, là, avec cette nouvelle réglementation-là, tout indique que vous voulez aller dans le 2A, c'est ça que vous préconisez. Est-ce que vous préconisez que les Chibougamau aillent dans le 2A aussi? C'est quoi? Non, exactement. Moi, je vais l'expliquer clairement. Si on resterait dans le 2B, pas de contact, comme la fédération voudrait, Chibougamau, il ferme l'équipe. C'est réglé, c'est fini. Bon, si on est classé 2A, ben, aujourd'hui, on dit, plutôt d'aller dans un tournoi à Montréal, on ira dans nos tournois régionaux. On ira Bécomo, on ira Allemand, on ira. Puis, on va continuer, nous autres, à être qualifiés 2A, là. C'est des titres, on l'a déjà dit, moi. On a déjà eu des portées dehors dans nos poches. On aurait pu en donner à tout le monde. Ça, là, faut arrêter, à un moment donné, de mettre des lettres, là. Tu sais, des erreurs, des grands erreurs, là-dedans. Ouais, c'est sûr. Faut se rattacher à la réalité. Je suis pas comme moi. Je n'en ai pas parlé. Si on se qualifie dehors, on continue à jouer dans les puis aucun problème. Ouais. C'est pour ça qu'on pense que nos équipes vont rester à la même place. La même affaire. À l'occasion d'une qui va être dans le haut du pic, l'autre occasion, ça va être l'autre. Hein, okay. Donc, c'est-tu bien compliqué, changer d'accréditation? Non. On faut que nos présidents de zone votent et qu'ils votent pour une demande d'aller se classer dehors. À partir de là, la région va le demander à la province et ils vont nous accepter. OK. Puis c'est le seul charmant qui amène ma voix. C'est pour ça qu'il faut faire attention là, à tout ça. Là. Puis il faut faire de quoi aussi? Parce que c'est la Ligue junior régionale aussi là, qui est menacée. Là. Nous autres, ici en haut de la mise en échec, comme je te dis, la Ligue junior régionale, c'est la plus vieille ligue après la Ligue nationale au Québec. Puis là, c'est pas compliqué, c'est une question de temps à faire. Ça fait qu'on peut pas se faire comme ça. Là. Chicoutimi a déclaré forfait, l'Abbé a manque de joueurs aussi. On fait quoi là, avec ça, là? Bon, c'est une bonne question, Danny. Ouais. Je vais te dire qu'on a l'équipe de hockey, oh là, on a une 30 games de fil, et on perd du 3-4 games durant la saison complète, mais ça devient du déséquilibre. Mmh. Un déséquilibre, ça t'amène toujours des problèmes. Une équipe qui est un peu moins bonne, qui est obligée de l'affronter, une équipe qui n'a pas perdu la saison, ben, t'amène un peu de frustration, t'amène des situations un peu comme on a là. Mais il faut t'avouer qu'on s'est penché sur la question. Okay. La vraie question, la vraie problématique, c'est qu'à Vonquer, l'année prochaine, ils sont 18 joueurs en midget double lettre. OK? Puis il y a 4 joueurs qui partent de l'équipe junior. OK. Ça fait qu'ils vont faire quoi le prochain, là, mon gars? Une équipe, voyons donc, tu vas être encore plus de balancé que des rois et des sports. Fait que là, on a déjà commencé à travailler sur la réorientation de la Ligue junior. Tu ressembles à quoi? Ça veut dire qu'on a certaines équipes qui vont peut-être changer de secteur. OK, comme? Tu sais, fait qu'à ce moment-là, on pourrait très bien avoir au 5000, si tu regardes le nombre de rois. Pour faire 3 équipes, il n'y a aucun problème. Parce que Chicoutimi, cette année, tu avais une équipe 2A, junior, et puis tu avais 2 équipes simples lettres. OK. Ça fait pas mal de voir ça. Fait qu'il n'y a pas de raison. Fait que c'est pour ça que je te le dis. L'Abbé, ils ont toujours fait du hockey. Mais ça fait 30 ans que l'Abbé n'a pas fait de voir faire une équipe de hockey. Ça fait 30 ans qu'on les aide. Ouais. Fait que là, faut pas que les adultes paniquent pour rien, là. Vont pouvoir repenser la situation. Yeah. Est-ce que ça va être faire 2 équipes de plus à Vonquer? Je ne sais pas. Peut-être avoir un repêchage universel? Je ne sais pas. Mais je sais qu'on est en point d'interrogation, on ne peut pas continuer comme ça. Mais Marcel, là-dessus, je veux dire, il faut avoir un bon conseil d'administration aussi. Ça fait des années que l'Abbé, du côté du CA, ça piétine. C'est pas stable, l'Abbé. Oui. Tu sais, il y a des fois des problèmes d'adultes qui dévient la situation. Tu sais, des équipes qui sont prises pour voix du joueur, là. Ça arrive souvent. Dans la catégorie junior, bien souvent, les gars, ils partent avec plusieurs voix, mais il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des études, il y en a qui ont des examens, il y en a qui sont blessés. Bien souvent, tu en as des blessés, tu en as des suspendus. Après ça, tu sais, des fois, tu en as qui vont quitter. Fait, quand tu évalues tout ça, là, tu pars avec, disons, tes doigts à 20 voix, mais souvent, tu vas te ramasser des games, même Vonquer, qui ont un bassin épouvantable. Puis, à un moment donné, ça monte à des games. J'ai vu Vonquer cet hiver avec 5 joueurs affiliés pour avoir 13 joueurs en costume. Ouais, c'est sûr. Fait que là, je ne sais pas si tu comprends. Faut que les adultes comprennent les situations. Ouais. Donc, on vient notre dossier de mise en échec. C'est quoi la suite à partir d'aujourd'hui, là? Bon, la suite, demain soir, on a une conférence téléphonique avec toutes nos équipes pour aborder l'alignement. On travaille là-dessus cette semaine avec mon vice-président Miguel, qui est Danny Larouche, mon vice-président d'administration, Romain William, notre conseil d'administration. On a une conférence demain soir qu'on va donner l'orientation aux équipes pour informer les hockey mineurs de chaque place de l'implication et le sérieux de tout ça. C'est pas après qu'on a le temps de se marier. C'est sûr. Puis là, vous vous donnez, j'imagine, jusqu'en mai, avant de réglementer tout ça, de vous organiser, puis de... Oui, ben nous autres, oui, on va avoir des communications avec la fédération. Comme on dit, lundi prochain, une réunion bien importante, les présidents de zone vont être là, vont voter. C'est là qu'on demande l'appui des présidents de zone. Ben, on sort. Après ça, le processus va être enclenché, ça devrait se clore. Martial, on s'en reparle dès que c'est un beau dossier, ce printemps. Habituellement, entre deux saisons, le hockey qui est fini, puis les sports d'été ne sont pas encore commencés. Il y a comme un petit laps tranquille, mais je pense que ça va être un beau dossier qu'on va suivre ce printemps, ça. Ah oui, ça, moi, je trouve que c'est bien correct. C'est sûr que moi, dans mon corps, j'ai une érablière. C'est pas tout le monde qui a une érablière pour le temps mort. Ça, ça fait des beaux sujets pour le temps mort. Ben, Martial, on s'en reparle bientôt. Bonjour, Danny. Merci. Martial Maltais, le président de la Ligue de hockey, midget régional et junior régional.